je vois. C'est pas la plus débile des théories. Même s'il manque encore beaucoup de choses pour que je puisse vous suivre jusqu'au bout là-dessus. Vous confirmez cette piste?